Pour les pyramides, ce qu'elles offrent surtout d'étonnant, c'est qu'on ait pu trouver tant d'hommes assez avilis pour passer leur vie à la construction d'une tombe destinée à quelque imbécile ambitieux qu'il eût été plus sage et plus mal de noyer dans le Nil pour ensuite livrer son corps aux chiens. Henri David Thoreau. Micro ouvert. Le volume de votre voix ? Non, vous comptez jusque 3 ? 1, 2, 3. Pas mal. 7, 8, 9. Pas mal. Vous savez aller jusque combien ? Oh, 1, 2, 3, défendons nos droits. 4, 5, 6, c'est l'état qu'on vit. 7, 8, 9, nous on veut du 9. Ok. Ben voilà. Allez, ça démarre. On est alors. Le micro ouvert est dans. Ah, au pays ? À Oupey, donc commune d'Oupey, sous-commune de Houtain-Saint-Siméon, et nous sommes en direct, Non, on n'est pas en direct, mais on fait comme si c'était du direct, parce que je ne vais pas faire du montage après. Ah oui, d'accord, voilà, c'est comme si c'était du direct, au presbytère de Houtain-Saint-Siméon. Le presbytère, c'était là où se tenait le curé avant, mais il n'y a pas de curé ici, il n'y en a plus depuis longtemps. Okay. Voilà. Donc on est chez vous, et ça fait combien de temps que vous habitez ici, du coup, vous ? Depuis 3 ans. Ça fait pas longtemps, ça ? Non, mais j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, j'ai eu une vie très, très, très, très, très, très complexe. Intéressante ? Pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non. Non, mais pour vous ? Oui. Oui. Non, pas plus que ça. Vous n'êtes pas plus. Vous n'êtes pas oui. Plus sûr que vous avez eu une vie intéressante. Des beaux moments, des moins beaux moments. La vie, quoi. La vie. Ouais. Donc on est chez vous et alors moi je vous rencontre et vous êtes d'accord et c'est toujours super quand ça marche comme ça évidemment. C'est parce que on se rencontre parce que vous avez écrit un petit texte sur Internet et sur Facebook au départ, ouais. Et donc, je vous proposais de relire ce texte. Ça marche ? Oui. Tout comme à fait. Ça, on rentre dans le vif du sujet. Hein. Tout à fait. Je vais le redécouvrir, d'ailleurs, parce que. Moi aussi. J'ai écrit d'autres depuis, donc. Voilà. Je commence. Il n'y a pas de titre, ou alors c'est un sous-titre. C'est pour quand la révolution ? En Belgique ? Et sous quelle forme ? Avec quels acteurs ? Mon épouse me dit que c'est trop après la déclaration des 10 ans de vaches maigres, que c'est trop, donc c'est trop après la déclaration des 10 ans de vaches maigres par un des riches qui nous gouvernent, que les gens vont réagir. Donc ça, c'est quand notre ami le Premier ministre a dit qu'on vivait mal, mais qu'on en a encore pour 5 à 10 ans. Moi, j'intitule ça « Les vaches maigres ». Perso, je pense que la révolution est loin d'être pour demain, malheureusement. Enfin, on l'a bien vu quand les revendications légitimes des Gilets jaunes ont tourné rapidement en eau de boudin, avec de moins en moins de gens dans les rues, hormis des provocateurs fort proches, de plus en plus en nombre et matériel répressif, policiers en civil comme en uniforme. J'en sais quelque chose, je faisais partie des Gilets jaunes liégeois, et on a quand même vu quelques attitudes un peu spéciales de la police. Alors je continue. Quand nous allions bloquer les dépôts pétroliers, nous nous sentions fort seuls au combat, peu ou pas. C'est qui ça qui allait Nous, les Gilets jaunes. Les gilets jaunes. Quand nous allions bloquer les dépôts pétroliers, nous y sentions fort seuls au combat. Peu ou pas de soutiens syndicaux ou des partis se prétendant « des gens », entre guillemets. Suivez mon regard. On nous collait des astreintes et certains d'entre nous recevaient des visites à domicile de la police, histoire de nous faire comprendre qu'il fallait clapper nos gueules. À 20 femmes et hommes bloqués des poids lourds sur les autoroutes, poursuivis en rase campagne et conduits dans des geôles austères sans ménagement, quand l'un de nous... Attendez, j'ai sauté ma ligne. C'est difficile de lire sur un écran. Quand l'un de nous mourait, en plus, sous les roues d'un semi-remorque hollandais, pas de suivi de la justice, considéré comme un accident de la circulation. Mais quoi, c'est arrivé, ça ? C'est arrivé. Du temps des Gilets jaunes, oui, ici, à Liège ? Au mois de janvier, un copain qui est bloqué, qui est monté sur un des camions pour l'empêcher de démarrer, il a démarré, il est tombé du camion, il a été écrasé. D'après les amis qui étaient là sur place, on aurait dit un paquet d'œufs quand on marche dessus et qu'on écrase tout, quoi, hein. Il y a un paquet de 10 œufs, ben, frouch, voilà. Voilà, et les amis l'ont vu. Et c'était terrible à voir. Moi, je ne le connaissais pas, le gars, preuve qu'on était quand même... On n'en a absolument pas parlé, j'ai l'impression. On en a très peu parlé, et disons qu'on a voulu dire que c'était un regrettable accident. C'est vrai qu'il n'aurait pas dû se trouver sur l'autoroute à ce moment-là, mais nous étions en action. Et bon, ben, on avait un bon accueil, généralement, hein, au niveau des routiers et tout. Celui-là, pris de panique, je ne sais pas, il a démarré, il a écrasé le copain. Et bon, ben, il a bien vu qu'il écrasait le copain. Mais on a retrouvé d'ailleurs son camion en Hollande. Et il s'est fait arrêter, finalement, et il n'y a pas de suite. Moi, j'attends toujours s'il y aura une suite. Bon, il n'y a rien pour l'instant. On oublie. Mais quoi, vous suivez l'affaire ? Ben, disons que j'ai mes amis gilets jaunes qui sont plus proches de lui, qui, je pense, suivent l'affaire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un grand intérêt pour la chose, puisqu'il y a de moins en moins de gilets jaunes aussi. Hein. Il faut savoir que le mouvement est devenu, n'était pas déjà très grand. En Belgique. C'est normal, hein, c'est un petit pays aussi, non ? C'est un petit pays. Proportionnellement, c'était la même chose au début. C'était la même chose qu'en France. Nous avions, même si c'est un petit pays, même si on était moins, proportionnellement, ça valait bien la France. D'autant plus qu'on a fait des actions que les Français n'ont pas fait, les premiers, comme le blocage des ports pétroliers. Voilà. Mais à part ça, de toute façon, le mouvement est tombé. Suite aux arrestations, suite aux enquêtes de la police, il y a eu beaucoup de gens qui ont préféré écraser. Et alors, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de soutien des organisations syndicales. Ah non, là, rien. Hein. Rien, très peu. Disons que parfois, un syndicaliste ou l'autre de la FGTB principalement venait voir ou bien saluait sur Facebook aussi. Ça arrivait, mais c'était rare. Vous continuez à lire le texte ? Là, oui, j'ai abandonné mon texte. C'est moi qui vous ai posé une question. Le lendemain de sa mort, donc de la mort du gars, samedi, nous étions environ 200 à la gare Calatrava pour saluer au moins sa mémoire. À la gare Calatrava, c'est quoi ? La gare Calatrava, c'est la gare de Liège. Elle a été construite par un architecte espagnol qui s'appelle Calatrava, enfin conçu. La gare des Guillemins, vous parlez ? La gare des Guillemins. Celle qui a été refaite ? Celle qui a été refaite. Et c'est devenu un des lieux principaux de départ de toutes les manifestations à Liège. Vous organisez une manifestation pour le climat, ça part de Calatrava. Vous organisez les Gilets jaunes, ça partait de Calatrava. Et voilà. Calatrava, c'est celui qui a fait les travaux ? Calatrava, c'est celui qui a dessiné la nouvelle gare. C'est des sociétés diverses qui ont fait les travaux en s'en mettant plein les poches, comme un peu partout. À Mons, ils sont en train de faire une gare Calatrava aussi. Ça coûte déjà deux ou trois fois le prix annoncé. Mais enfin, bon, c'est une autre histoire. Alors, ah, c'est la même histoire. Oui, c'est la même histoire, mais c'est ailleurs. C'est une autre illustration. Hein. Alors, où en étais-je ? Le lendemain, sa mort, à samedi, nous étions environ 200 à la gare Calatrava pour saluer au moins sa mémoire dans un je m'en foutisme des millions de gens qui auraient pu descendre et qui auraient dû descendre dans la rue. Les gens ne sont pas descendus dans la rue. Moi, j'étais à la marche blanche pour Julie et Mélissa. On était 500 000 dans la rue. Hein. C'est extraordinaire. En 1996, j'y étais. Hein ? Et puis, bien sûr, les médias, je ne sais pas pourquoi ils roulent. Certaines fois, les médias, ils sont bizarres. Hein ? Ils vous disent 500 000, l'année suivante, ils vous disent 300 000, l'année suivante, ils vous disent 80 000. C'est les mêmes médias. Il ferait bien de se relire de temps en temps. Mais quand on a intérêt à diminuer les choses, on les diminue. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas une grande confiance avec la presse. C'est pour ça qu'il y a certains qui me comparent avec Mélenchon, parce que je ne suis pas toujours très tendre avec la presse. Voilà. Ça vous arrive de vous engueuler au micro ou de... Non, je ne m'engueule pas au micro. Je dis ce que je pense. Je dis souvent que bon, ben, il y a une manière sélective de diffuser l'information en Belgique. Ça se voit bien au JT. Hein. Au JT, c'est le pire de tout. Hein. Et quand on voit le Gugus, il va me faire un attaqué en justice. Enfin, le gars qui présente QR, on a compris, hein. Monsieur qui se met en valeur, etc., etc. Allez voir, aux prochaines élections, il sera candidat. Enfin, pour les libéraux, fort probablement. Ou pour le socialiste, quoique. C'est fort du pareil au même. Donc, je continue la petite lecture. L'augmentation des prix pétroliers à l'époque, c'était un apéro. Quelques cacahuètes quand on y pense par rapport à ce qui nous tombe dessus, entre guillemets, à cause de la Covid et de l'Ukraine, fermez les guillemets. Et cela touche bien plus de gens aujourd'hui. Il n'y a plus les gilets jaunes et non plus les syndicats et partis de gauche qui pourraient agir, alors on espère. On ose même y croire. Des gens qui auront les... Les couilles, moi je le dis, parce que c'est mieux, cul, n'ayons pas peur. Les couilles au cul, n'ayons pas peur des mots. Pour réagir et nous entraîner dans une lutte contre le gouvernement et plus largement contre le capitalisme. Moi, j'utilise beaucoup le terme capitalisme. Je n'aime pas le terme néolibéralisme ou des machins édulcorés. Pourquoi vous n'aimez pas ? Parce qu'il y a un mot qui existe, c'est le capitalisme. Et c'est ce mot-là qu'on doit utiliser. D'ailleurs, c'est le mot qui dérange. C'est le mot qui dérange à droite. On leur parle de capitalisme, ils ont des boutons. C'est bien la preuve que je l'utilise. Non. Ils l'ont dans le... Voilà. C'est là que j'ai des doutes. Comme dit ma femme, à nos âges, avec notre mauvaise santé, nous sommes avec des béquilles tous les deux, comment faire ce que nous avons fait durant des années, parce qu'on a lutté, alors que la plupart de nos camarades meurent tour à tour. Et nos jeunes qui devraient nous succéder, avec leurs contrats au jour le jour, avec leurs minimex et autres allocations, pas capables même de se réunir avec des tablettes, avec leurs tablettes et autres applications. Je vous le dis, c'est mal parti. Je tiens à préciser que moi, j'ai rien contre le fait qu'on joue avec des tablettes, mais ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils soient tout le temps sur les tablettes, sur des jeux à la con, et qui coûtent de plus en plus cher. Ça m'énerve, parce que, évidemment, les gens évoluent. Hein. Moi, à leur âge, j'étais dans la rue. J'étais dans la rue, je manifestais. On n'avait pas de tablettes, évidemment. Mais évidemment, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais enfin, quand même. Mais quand je vois... Vous avez des enfants, vous ? Moi, j'ai des enfants, oui. Des grands ? Des grands, oui. Ils sont mariés, tout ça ? Il y en a qui sont mariés, il y en a qui vivent en ménage, il y en a qui sont seuls. Voilà. Okay. Il faut calculer mes enfants et les enfants de ma femme, donc ça fait une dizaine. Hein, donc, voilà. Où je tiens à le dire, quand même, je le mets en premier, en exergue. Vous êtes toujours dans le texte, là ? Oui, on finit dans le texte, avec leur contrat au jour le jour. Ouais. Parce que c'est là un scandale. C'est le scandale qu'on nous dit, dans France, traversez la rue, vous aurez un emploi. Hein, on nous dit, ici en Belgique, mais il y a plein d'emplois en pénurie, il suffit d'aller faire des formations, on y a des emplois tant qu'on en veut, allez-y, allez travailler. C'est vrai, hein ? C'est vrai, ils se présentent dans des boîtes, ils sont engagés pour un jour à l'essai, ils dépendaient du CPS, et le CPS clope leur couplette parce qu'ils ont travaillé un jour. Et ce jour-là, bon, ben, après, vous avez signé un contrat, des contrats d'un jour à la fois, des intérims. Avant, les intérims, c'était pour une période de telle date à telle date. On remplaçait une femme enceinte, on remplaçait un homme qui était blessé, tout ça. Ça paraissait logique. Maintenant, c'est devenu la norme. D'office, on engage des gens pour un jour, et puis le lendemain, encore un jour, et ainsi de suite. On se fout de la gueule des jeunes. C'est fini le texte ? C'est presque fini. Parce que du coup, après, on discute, quoi. Mais... Oui, d'accord. Mais j'en viens à ça parce que... Donc, je me dis que malgré... Je vous le dis, c'est mal parti. Des fois, je me dis que... Mais presque que malgré mes presque 69 ans, je pourrais encore reprendre un bout de chemin de la lutte. Déjà rien qu'au niveau communal. J'y suis déjà impliqué volontairement, bénévolement via la commission communale d'aménagement du territoire et de mobilité où quelques politiques agissent, mais assez curieusement, personne du parti pour lequel j'ai voté s'en est d'ailleurs navrant. Un parti comme celui-ci, au niveau communal, devrait être actif et dire publiquement ce qu'il fait pour les électeurs, même si ceux-ci ne sont pas membres du PTB. C'est une attaque au PTB, je sais, mais je suis dans une commune où il y a trois conseillers du PTB, et j'attends de les voir prendre une position au niveau communal. Si c'est pour soutenir ce que fait Raoul et Debeau, ça tout le monde peut le faire. Moi aussi d'ailleurs, je soutiens ce que Raoul fait. Mais dans la commune, c'est triste à dire, mais il ne faut rien. Je me demande comment ils vont être élus. Enfin. Alors des fois, je pense que je pourrais me présenter au communal avec des gens qui, à ce niveau, au moins, sont motivés pour améliorer les conditions de vie des habitants. Fonder un nouveau parti ? Oh non, encore ! Ah oui, c'est moi qui l'ai écrit ! Ben oui ! Je crois que c'est la meilleure idée pour éviter d'être assimilé, gobé, phagocyté. Mais c'est lourd à faire ! Même si je sais des gens qui, heureusement plus jeunes que moi, disent que j'ai raison. Mais c'est une autre histoire, comme disait Rudyard Kipling. Voilà ! Mais Kipling, c'était un gros enfoiré, lui, il paraît. Oui, bien sûr. Xavier ? Non, mais le... personnellement, je ne l'ai pas lu. C'est une citation qu'on retrouve partout dans les trucs de citation. Vous avez des bouquins avec des kilomètres. C'est lui qui a écrit... Oui, il a écrit ça. Il a écrit quoi ? Mais c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce qu'est une autre histoire ? En dessous de chaque histoire qu'il racontait, il disait, ah oui, mais ça, c'est une autre histoire. Okay. Voilà, alors moi, je l'utilise. Ça fait bien, ça fait garder un peu, hein, comme j'ai l'air intellectuel. Bon, Jacques, c'est, oui. Je ne sais pas si on a déjà dit, c'est Jacques Chevalier, on peut le dire ? Oui, on peut le dire. Ça, si jamais, on aurait pu l'enlever, mais on peut le dire. Oui, on peut le dire, je ne me cache pas. D'accord. Donc, Jacques, moi, je t'ai rencontré parce qu'il y avait ce texte-là que tu avais écrit, et je me suis dit, bah voilà, c'est plutôt un bonhomme qui est fâché quand même un peu, hein. Fâché et parfois aigri. Alors on me dit d'ailleurs que je suis aigri, que je suis la ville aigri. Et ça veut dire quoi exactement aigri ? Aigri, ben c'est passé au vinaigre, c'est récrapoté dans son coin. C'est quelqu'un qui râle tout le temps, hein. C'est quelqu'un qui... Et c'est vrai, vous râlez tout le temps ? Oui, quand même beaucoup, hein. Je demande à ma femme, mais elle le confirme. Mais quoi, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, mais râler quoi ? Parce que vous, en fait, je dis vous, hein, mais c'est tu, vous, ouais, c'est tu. Tu as été employé d'administration et délégué syndical au CPS de Liège. Oui. Hein ? À la CGSP. Oui, délégué syndical au CGSP. Ouais. Mais je comprends pas bien, parce que t'es employé d'administration au CPS de Liège, et en plus, c'était syndicat. Ben, c'est ça ? Quand on travaille, généralement, de mon temps, les travailleurs, ils étaient syndiqués pour d'office, pouvoir se défendre. D'office, non, non. Ah. Ça n'a jamais été obligatoire d'être syndiqué. Moi, je me suis syndiqué à des trois syndicats. Il y avait les libéraux, il y avait les chrétiens, il y avait les socialistes. La FGTB, la CSC et le SLFP. Donc moi, je me suis inscrit où, naturellement, j'avais des sympathies. Parce qu'au niveau de la FGTB, il y avait énormément de mes amis politiques, parce que j'ai aussi fait de la politique, notamment au Parti communiste, le Parti communiste, hein, le vrai, pas le PTB. Le Parti communiste. Bon, ça s'appelait comme ça, le Parti communiste ? C'était le Parti communiste de Belgique, PCB. Voilà, Parti voilà. communiste de Belgique, on avait des députés, moins que le PTB. On est en quelle année, là, du coup, alors ? Oh, jusqu'à la fin du mur de Berlin. Quand le mur de Berlin s'est écroulé, le Parti communiste s'est écroulé complètement en Belgique. Année 87, alors ? Oui, dans ces eaux-là, 89, ouais. Dans ces eaux-là, mais de toute façon... Mais vous êtes né quand, vous, alors ? Moi, je suis né en 1953, l'année de la mort de Staline. OK, donc... Je suis pas responsable. Ouais. Genre, presque 10 ans après la Seconde Guerre. Oui, d'ailleurs, on m'en a tartiné très souvent d'avoir des parents qui étaient jeunes, et qui étaient déjà très jeunes. Hein. Ma mère m'a eu à 18 ans. Donc, ils étaient enfants pendant la guerre. Donc, j'ai vécu, et ma femme, c'est la même chose, on a vécu des enfants d'après la guerre. Quelque part, on était des vénards. Nous, on n'avait pas la menace allemande. Et on était priés de boire notre tasse de lait chaud qu'on détestait au plus haut degré, parce qu'il fallait bien ça pour prendre des vitamines. Alors, on devait prendre du lait chaud, de l'huile de foie de morue, etc. etc. Voilà, voilà. Mais quoi, c'était pas bien, ça? Non. Mais moi, en tout cas, nous, on n'aimait pas le lait chaud. Ma femme et moi, on n'aimait pas le lait chaud, surtout l'odeur. À l'école, c'était obligatoire. C'était obligatoire? C'était obligatoire à ce temps-là. Puis après... Et quoi, vous êtes né où, du coup? Ben, je suis né à Liège. Hein. Ah, voilà, voilà, voilà. Ouais, parce que vous habitez à Liège, mais ce n'était pas forcément que vous étiez né. Je suis né à Liège, au 43 rue Natalis, au troisième étage, un petit appartement que mes parents occupaient juste après leur mariage. Je suis né le 29 octobre et mes parents se sont mariés le 6 juin, ce qui prouve qu'il y avait des correspondances. Hein. Donc, quelque part, je suis né là. Ma femme est née ailleurs. Bon, voilà, c'est une autre histoire. De toute façon, on n'a pas le temps de rentrer dans les petits détails, hein, parce que ça fait déjà 20 minutes et il y a encore 25 minutes, ça va aller vite, vous voyez. Oui, oui, oui. Mais donc, vous avez été employé d'administration au CPS de Liège. Ben, comment d'administration, en fait, c'est un hasard, parce qu'avec le diplôme que j'ai, j'aurais pu très bien rentrer comme ouvrier. Mais rentrer comme ouvrier dans quoi? Dans n'importe quoi. Je n'ai pas commencé au CPS de Liège, j'ai commencé dans un bureau d'études. C'est-à-dire que j'étais chômeur, j'étais inscrit comme chômeur, et on m'a demandé dans quelle catégorie. Alors je devais choisir entre employé et ouvrier. J'ai coché employé. Et pourquoi? C'est mieux payé? Non. C'est plus tranquille? Peut-être influencé par ma mère qui n'arrêtait pas de râler sur les ouvriers. Qui ignorait la classe d'où elle venait, au fond, parce qu'on est tous employés. C'est fou que vous pouviez choisir comme ça. De ce temps-là, oui, on pouvait On est plus payé en étant employé qu'ouvrier, non? Oui, mais à ce moment-là, on ne faisait pas attention à ça. Ce n'est pas vrai qu'on est plus payé quand on est employé par rapport à ouvrier. Les ouvriers de base sont mieux payés que les employés de base. C'est quand on monte dans l'échelon social qu'il y a des différences. Mais ces différences s'arrêtent. Et quand on a fait du syndicalisme, on sait. Ouais, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas au courant. Donc, oui. Mais normalement, moi, je sais quand je bossais dans le social, j'étais employée. Et le gars, homme à tout faire, était ouvrier. Et on discutait un peu de nos salaires et des congés payés. Ce n'était pas la même chose. Je sentais que j'avais plus d'avantages que lui. Quoi. Bien sûr, il y a des différences entre une assistante sociale... Et une aide familiale, c'est pas le même travail, on va dire, mais enfin... Non, mais ça, on s'en fout. C'était quand même forte, mais l'aide familiale était ouvrière, de toute manière. Et nous, on s'est battus pendant des années pour faire reconnaître le statut d'aide familiale pour qu'on puisse les nommer. On n'y est pas arrivé, mais enfin, on a lutté pendant des années pour ça. Non, mais quand vous dites que vous vous en foutiez à l'époque entre employé et ouvrier, on voit bien qu'aujourd'hui, on est bien dans ces rapports-là. Vous avez entendu le Thierry Baudson de la FGTB ce matin? Non, je n'ai pas entendu Thierry. Sur la première qui expliquait... Ils allaient être entendus par les politiques mercredi. Et il parlait aussi de comment gérer la crise énergétique. Et pour lui, Baudson, là, bah, les gens connaissent, hein, j'espère, c'est le président de la FGTB. Mais pour les gens qui nous écoutent aussi... Hein, je le connais très bien, c'est un de mes amis avec qui nous avons participé à la lutte pour les sans-papiers, contre les centres fermés. Je connais Thierry depuis des années. Oui, soit il passait à la radio aujourd'hui et pour donner un peu son point de vue sur la crise énergétique. Et en gros, il disait aux gens, payez vos factures, mais payez... Jean-Ri, vous allez me dire ce que vous en pensez. En gros, il disait, le message, c'était aux gens, payez vos factures et au système, ne coupez pas l'électricité aux gens, quoi. Vous entendez les deux Oui. Moi, ça me fait penser, le type, il veut vraiment pas faire de remous, quoi. Oui, c'est un peu étonnant. Non, c'est pas étonnant. J'écouterai, hein, bon, de toute façon... C'est pas étonnant, je veux dire, le syndicalisme est mort aujourd'hui. Non, le syndicalisme n'est pas mort. Certains voudraient qu'il le soit, mais il n'est pas mort. Mais il est où alors ? Il existe, il faut un petit peu le ranimer, il faut lui donner des coups de pied au cul pour qu'il avance. Et comment on fait ça ? Eh bien, on donne un coup de pied au cul. Mais encore faut-il avoir les gens qui vont donner le coup de pied au cul. Mais non, mais allez, comment, soyons dans le concret, donner un coup de pied au cul, ça veut dire quoi dans votre bouche ? Un coup de pied au cul, ça veut dire qu'il y a des délégués syndicaux qui existent, qui se font du bon travail, je crois, dans les entreprises. On n'en parle pas parce que c'est trop petit, c'est un échelon trop petit, mais il y en a qui font du bon travail. Et il n'y a pas besoin d'être membre du PTB pour faire du bon travail au niveau syndical. Il y a des gens qui sont sincères et qui font correctement leur travail. Et j'ai un grand respect pour la FGTB, pour les travailleurs de la FGTB, les délégués de la FGTB. Ok, mais ici, on va pas faire de la pub pour l'un ou l'autre. Pour moi, ils sont tous dans la machine, quoi. Ils sont tous... Vous comprenez quand je dis tous dans la machine ? Ouais. C'est-à-dire que tout le monde veut profiter du système, quand même profiter du système dans le sens que on n'est pas vraiment... on n'est pas prêt à changer grand-chose, au fond, quand même. Vous croyez pas ? Les gens ne sont pas prêts à changer leur rythme de vie. Leur rythme de vie. Ça veut dire quoi, leur rythme de vie ? Leur rythme de vie, ça veut dire que ceux qui ont, par exemple, ceux qui sont propriétaires de leur maison, ceux qui, quelque part, ont leurs enfants qui sont casés, comme on dit, hein, qui ont fait des études, qui ont pu faire des études, ben, ces gens-là disent « Hey, pourquoi est-ce qu'on se battrait encore pour les autres ?» Et alors, il y a tous les autres qui viennent derrière et qui n'ont plus droit aux droits dont les autres ont bénéficié. Et il faut sauver ces droits. Il faut remettre en vigueur les droits pour lesquels nous avons bénéficié. Je m'inclus dedans. Mes enfants ont fait des études. Pourquoi c'est bien, ça, de faire des études ? Ben, des études qui rapportent un emploi qui est en rapport avec les études, c'est déjà exceptionnel, parce que souvent, maintenant, les études, ça ne sert plus qu'à aller emballer des colis chez TNT, hein ? Soyons clairs. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc c'est sous statut. Et on a créé des sous-statuts avec parfois la complicité syndicale, hein ? Je ne dis pas que les syndicats sont un modèle, hein ? Il y a eu au début, je veux dire, le mouvement ouvrier, c'était balèze, quoi. Vous voyez, au tout début, quand tout a commencé. Mais maintenant, ça fait... Tout au début, il n'y avait rien. Oui, mais là, il était authentique, quoi. Il est né de rien, il est né de combat, il est né... Attendez, parlons pas en même temps. Il est né de combat, il est né de prise de conscience, vous voyez, il y avait... c'était génial, ce qui s'est mis en place, mais aujourd'hui, c'est... On est tout le monde veut le confort de la vie. On attend quoi? Voilà. Les gens veulent le confort de la vie et bon, quelque part, ils s'enchaînent eux-mêmes. Ils s'enchaînent et ils se mettent eux-mêmes dans un système qui fait d'eux à nouveau des esclaves sans qu'ils se rendent compte. Mais attendez, mais vous pensez pas parce que vous avez fait un peu de politique. Un peu. C'est quand même le système qui produit des gens comme nous sommes. Oui, bien sûr. C'est pas les gens qui décident, par exemple, que l'énergie va être chère le mois prochain. Hein ? Je veux dire, quand vous parlez des gens, c'est pas eux complètement les responsables. Ils sont bien obligés de fonctionner dans un système. Oui, hein ? Dans un système. Bah, c'est important de le dire, ça. Oui, les gens fonctionnent dans un système parce que c'est devenu normal d'avoir sa voiture, c'est devenu normal d'avoir des crédits. Le crédit, c'est normal maintenant d'avoir des crédits. Tout le monde a des crédits. Mais l'arme du crédit, c'est que c'est une arme à double tranchant. On a des sous et puis après, il faut les rembourser. Et quand on les rembourse avec intérêt. Les intérêts deviennent de plus en plus fous. Mais on vit comme ça. Parce que, bon, ben, quelque part, moi, je veux en vacances... Et les autres, ils n'en vont pas, les cons. Mais moi, je vais en vacances. Moi, je m'en fous, je ne vais pas en vacances, mais voilà. Non, mais je réinsiste, mm-hmm. Parce que sinon, on peut parler de monsieur, madame, tout le monde, et qu'on est des gros imbéciles. Et... Oui, il y a ça, mais il y a aussi les politiques menées. On ne peut pas faire abstraction, ça. Non, les politiques menées, il y a les politiciens qui s'en mettent plein les poches, c'est connu. C'est que, on ne va pas répéter 25 fois la même chose. Oui, mais justement... Ils ont des salaires démentiels et que personne ne lutte contre ça. Mais c'est pas... je veux dire, là, on est dans les... Je suis d'accord avec vous, on est dans, mais je pensais à quelque chose d'un peu plus... On est dans les clichés. Oui, le peuple, il faudrait qu'il se bouge. Qu'est-ce qu'il a à faire des prêts? Et le politicien, il s'en met plein les poches. Mais il n'y a pas quelque chose de plus... Comment dire? Parce que... Non, mais de plus... Je croyais que vous alliez me faire un... Comment dire, un descriptif un peu plus... Parce que vous avez travaillé, je le répète, au CPAS de Liège. Vous avez été employé à la CMT, à la FGTB. Non, j'ai travaillé comme chômeur mis au travail à la CMT, c'est-à-dire à sous-statut à l'époque, comme il y a des sous-statuts maintenant, dont les jeunes sont malheureusement les bénéficiaires. Et moi, j'ai connu... C'est avant le CPS? C'était avant le CPS, dans un emploi dans le privé. Okay. Dans le privé. Oui, j'ai travaillé dans le privé aussi, pas longtemps. Voilà. Et j'ai travaillé même dans deux endroits dans le privé. Le premier, c'est un bureau d'études. Le deuxième, c'est... Un bureau d'études de quoi? Un bureau d'études de topographie sur les routes. La géométrie. Géomètre, oui. Géomètre. Mais moi je ne suis pas géomètre, j'étais assistant. J'étais le mandaï qui était là. Bon. Là, j'ai eu cet avantage d'un contrat. Là, c'était un contrat. Je me suis fait virer parce que j'avais exigé des vêtements de travail. Et ça, ils ne supportent pas dans une entreprise de moins de 50 personnes, les gens qui se rebellent. Hein. Donc, j'ai été viré. Et alors, là où j'ai bénéficié de ce fameux contrat CMT, au fond, ce n'est ni là, ni au CPS, c'est à la FGTB. J'ai été engagé comme CMT à la FGTB, c'est rigolo, hein. Oui, mais dites le nom en entier pour qu'on comprenne, parce que... FGTB, Fédération Générale du Travail de Belgique. Non, le CMT, dites, vous avez été engagé comme chômeur mis au travail, c'est-à-dire sous statut. Sous statut, pas être en dessous d'un statut, mais c'est un statut d'en dessous. Et voilà, et j'ai donc été, en plus de ça, comme j'ai été cobaye, entre guillemets, comme trois autres copains, on était engagés comme ça, et comme ils ne savaient pas remplir les formulaires à la FGTB, je ne dirais pas non, par respect, parce qu'il est mort il n'y a pas longtemps, d'un syndicaliste qui était chargé de remplir mes papiers, mais ils ne savaient pas comment remplir les papiers, et moi j'étais payé 6 mois après, heureusement que j'étais chez mes parents. Mais mon premier emploi où j'ai eu des problèmes, c'est la FGTB, mon syndicat. Oui, mais enfin, quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça? C'est rigolo, quoi. Mais pourquoi? Dites-le. Je dis que c'est rigolo, quand même, c'est quand même fou, hein? L'arroseur arrosé. Pourquoi celui qui est censé travailler à la FGTB, on précise, c'est quoi la FGTB? Fédération Générale du Travail de Belgique, le premier syndicat en Wallonie. Et donc, les gens doivent connaître toutes les règles, toutes les lois, toute la paperasse. Ils ne connaissaient pas, ils ont fait un test. On a testé sur des... Il fallait bien des victimes, hein. J'ai été victime. Voilà. Donc, ils ont... En plus, ils m'ont fait un contrat que depuis, ils ont dénoncé comme étant un scandale d'exploiter les gens comme ça. Mais ils l'ont fait. Et je travaillais au service chômage, hein. C'est amusant, ouais. Ah ouais? Ouais. Et dans quelle partie au service chômage? Paiement, hein. Paiement. Ah, ouais, paiement, carrément. Donc... On voit arriver les cartes, on calcule les cartes X jours, multiplié par autant, égale autant. Tac, tac, on écrit ça sur une petite fiche qui va dans un ordinateur. C'est pas un ordinateur, c'est une mécanographie. Ça fait tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, et ça sort. Donc, parfois des erreurs, mais enfin, voilà. C'est pas vous qui analysiez si la personne avait droit ou pas à son comment dire, à son allocation, quoi. Non, nous pas. Nous, on était les mandai, comme on dit. Mandai en wallon du Leach, c'est vraiment le moins que rien, quoi. Mandai, l'ouvrier de base, le mandai, quoi. Vous avez entendu récemment, il y a la CSC, donc le syndicat chrétien, là, ouais. Où il n'y a plus moyen de les joindre, on ne sait plus avoir accès au bureau, enfin voilà, il n'y a plus personne, on se demande où ils sont, c'est très très... Qu'est-ce que vous pensez de ce... Non, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas de rapport avec la CSC. On s'en fout de la CSC, mais ouais. C'est les syndicats, quoi. C'est les syndicats, ici, en Belgique. Oui, mais sûrement, il y a d'avoir des contacts avec la FGTB. Hein, bon. interrogé un jour, il est pensionné, ça tombe bien, il est pensionné, il pourra vous en dire, Nico Cué, qui est l'ancien responsable des métallurgiques, c'est un de mes amis, vous pouvez dire que vous venez de ma part, ou même Thierry Botson, hein, vous pouvez dire. Oui, mais non, c'était simplement pour dire qu'il y avait ici en Belgique, il y a plusieurs syndicats, oui. Et par exemple, j'ai entendu récemment que le syndicat chrétien. Oui. Eh ben c'était compliqué pour avoir quelqu'un au téléphone, c'était compliqué pour avoir un rendez-vous, ça devient compliqué. Vous avez déjà entendu ça, pas simplement au syndicat chrétien, j'imagine qu'il y a d'autres... En passant, essayez quand même un jour d'avoir un service comme l'AVIC, qui est le service pour les handicapés, essayez de les avoir au téléphone, bonjour les DIA, et préparez-vous à attendre très longtemps. Ou la banque aussi, maintenant, les banques, oui, le liquide qui disparaît, vous pensez quoi de tout ça? Quoi, du liquide qui disparaît. Mais de tout ce qu'on parle là maintenant, il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment. Il y a, comme partout, et je pense à la CSC aussi, de moins en moins de personnel motivé à travailler parce que les pensionnés ne sont pas remplacés. Ceux qu'on engage, c'est des gens qu'on engage au jour le jour quand on en engage. Ce n'est pas motivant pour les gens, pour n'importe qui, ce n'est pas motivant. Mais bon, il n'y a pas que ça. Vous voulez dire que s'il y a moins de monde présent pour assurer des services, c'est parce que les gens ne veulent pas travailler, c'est ça? Non, ce n'est pas que les gens ne veulent pas travailler, c'est les employeurs qui se satisfont d'un nombre X de travailleurs et qui n'iront pas à plus et qui n'en ont rien à foutre du social. Hein. Il n'y a rien à foutre du social. Hein. Ce qui compte, c'est les bénéfices. Hein. Engie et tout ça, ils s'en foutent hein, du social. Et ils font des milliards, des milliards de bénéfices. Et on laisse faire. C'est ça qui me dégoûte, c'est qu'on laisse faire. On a des super profits. Tout le monde le sait, on le dit. Même les libéraux le disent qu'il y a des super profits. Hein? Il y a des super profits. Ah oui. Et on va les taxer. Ah non, hein, parce que sinon ils vont partir ailleurs. Hein. Ah non, hein, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça, donc? Et vous, vous en foutez pas du social? Moi, je ne m'en fous pas du social, mais je trouve que quand le social est mal utilisé, ben le social se détruit lui-même. Ah bah tiens, définissons qu'est-ce que le social. Pour vous, hein, qui avez baigné là-dedans hein, toutes ces années de travail. Et... Ben, j'ai travaillé dans un CPS à Liège, pour ne pas le citer, où il y avait la loi d'un côté, elle est belle la loi. Et oui, il y avait un règlement d'ordre intérieur. Là, c'est moins beau, d'autant plus qu'on ne pouvait pas, nous, en tant que travailleurs, faire sortir vers la presse ou faire sortir vers n'importe qui ce règlement d'ordre intérieur. Règlement d'ordre intérieur qui était l'antithèse de la loi. Exemple pour qu'on comprenne. Ben, par exemple, prends un truc dont je me souviens, qui, j'espère, n'existe plus, j'espère, hein, parce que ça fait longtemps que je ne travaille plus dans le social. Mais les personnes qui ont droit au minimum, enfin, qui avaient droit au minimex, okay, le minimum pour vivre, quoi. Minimum de moyens d'existence, un certain montant. Quand elles étaient soit belges, soit réfugiées politiques reconnues, elles avaient droit à ce minimex. Ce minimex qui était régulièrement indexé. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. C'est la loi. Ben, c'est normal, c'est logique, c'est comme ça. Mais il fut une époque où il y avait énormément de demandeurs d'asile qui étaient d'origine turque, qui n'avaient pas droit au minimex, parce qu'ils avaient un statut merdique qui fait pas droit. Ils n'avaient pas droit au minimex, et ils n'avaient pas droit à son équivalent en aide sociale, alors que d'autres avaient droit. Mais eux n'avaient pas droit. Alors, en fait, ils avaient droit au minimex du début de l'année. S'il y avait un index qui venait de se mettre dessus, on ne leur donnait pas. Ça n'a l'air de rien, mais multiplié par le nombre de gens. C'était des familles nombreuses, tout ça. Hein, tout non, ça n'a l'air de rien, je veux dire, arrêtez de dire ça, moi, je suis consciente, c'est énorme. Pourquoi vous dites que ça n'a l'air de rien? C'est les gens qui doivent vivre avec moins, en toute légalité, puisque c'est dans le règlement d'ordre intérieur que les gens ont signé, parce que les gens signent quelque chose, hein, mais ils ne savent pas ce qu'ils signent, en fait. Mais quoi, si je comprends bien, il y avait deux poids, deux mesures, oui. Et quoi, vous ne pouviez pas dénoncer ça? Ah non, absolument pas. J'ai une collègue assistante sociale, dont je ne citerai pas le nom, une collègue assistante sociale qui s'est battue pendant des années là-dessus. Elle se bat toujours, même si elle est pensionnée, pour les droits des gens. Et... Oui, c'est parce que c'est qu'on bafoue les droits des gens, en fait. Et en plus, surtout, s'ils ne connaissent pas leurs droits, on peut encore en profiter, quoi. Ça existe et c'est vrai. Tout à fait. Et quand on engage des gens avec des sous-statuts merdiques, avec des contrats d'un jour, des contrats un jour à la fois, ils sont tellement contents d'avoir des sous, les jeunes. Ils les prennent. Alors hop, ils ont... tu travailles où? Tu travailles là, tu es à l'endroit. Non, mais ils ne sont pas cons non plus, les gens, non. Ils ne sont pas cons non plus, quoi. Quoi, les entreprises? Les jeunes, ils ne sont pas cons non plus. Tu dis comme si... Ben... Oh, chouette, on a un travail pour une journée. Ça va, ils peuvent se renseigner. Pour une journée, peuvent se renseigner, ils savent bien que... Ça peut être comme ça ou ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Il y a les parents qui sont derrière. Hein, et tu n'as jamais rien foutu de tes 10 doigts, tu vas accepter le travail, hein, fille. Ben, ça aussi, hein, la pression. Oui, c'est un cas de figure, mais moi, je ne pense pas que Voilà, c'est un cas de figure parmi plein, quoi. C'est les contrats d'un jour, c'est les contrats d'intérim un jour. Mais il y a des gens qui travaillent pendant 3-4 mois et on leur fait miroiter que comme ils travaillent depuis 3-4 mois, ils vont avoir un C à durée déterminée. Hein, un CDI. Ils vont avoir un CDI. On les fait miroiter le CDI. Quand ils arrivent à la date du CDI, ils sont virés. Et ça, c'est régulier. Ça, c'est très régulier. Comment vous savez ça, que c'est régulier? Parce que on a malheureusement dans notre famille des enfants qui sont concernés. Annick pourrait en dire. Votre femme. Ma femme pourrait en dire. Annick. Oui, ma fille, mon fils. Attendez, parce qu'on n'entend pas du coup alors. Dites-moi. Ma fille et mon fils ont vécu la situation, c'est-à-dire qu'ils ont été engagés par des entreprises, deux entreprises différentes, en contrat journalier. Pour une durée déterminée. Et puis alors. On est d'accord qu'ils sont d'accord pour signer pour ce contrat que vous venez de dire, quoi. Ils sont d'accord parce qu'ils sont poussés, et de un, par le CPS qui exige qu'on trouve un emploi. Ils sont d'accord parce qu'on exige que le chômage qui délivre les allocations les oblige à accepter ce genre d'emploi. Et puis alors, au bout de 3-4 mois, quand ils arrivent à la date proche de leur CDI, ils sont virés. Mais pour quel motif ? Un motif quelconque. Par exemple, mon fils a été parce que il a été malade. Donc on peut pas être malade. Si on est malade, on n'est pas productif. Et ma fille, ça a été parce que elle s'est rendue compte qu'elle était sous-payée, en fait. Et elle a rouspété. Elle a rouspété. Alors voilà, le prétexte est vite trouvé, quoi. Hein. Et il y a des files d'attente, naturellement. Puisque les étudiants n'ont pas toujours le choix et les gens qui sont en sous-statut CPS et chômage n'ont pas toujours le choix. Ils sont forcés par leur organisme payeur de trouver un emploi. Et c'était quoi comme job ? Mon fils était un job de préparateur de colis pour des produits pharmaceutiques. Et ma fille, c'était un laboratoire, parce que je précise qu'elle est diplômée... technicienne de laboratoire, et c'était un laboratoire de préparation de vaccins et de choses comme ça. C'est très dans l'air du temps, ça. Oui, ben justement, ça devrait procurer des emplois fixes, et ce n'est pas le cas, quoi. Donc, et le contrat où elle fabriquait des macarons, les gens aiment bien les macarons. Hein, c'est une friandise, ça. C'est une friandise. Et bien, elle a travaillé dans de très mauvaises conditions dans une entreprise qui se trouve ici à Oupey. Je ne connais pas son nom, mais il n'y en a qu'une à Oupey. Et cette entreprise, qui est gérée par de jeunes patrons dynamiques, eh bien, même chose, en dépit du bon sens, en dépit des mesures d'hygiène, rien du tout. Ils travaillent sans gants, ils travaillaient face à face en plein Covid sans masque. Faut pas pousser, quoi. Voilà. Et comment vous vous appelez, vous ? Annick. Annick, vous nous avez entendu un peu discuter, là. Oui. Franchement, dites-nous. Hein, de toute façon, c'est vrai que maintenant, on a donné votre prénom et votre nom, mais je pourrais l'enlever si jamais vous avez envie. Mais Ça vous fait penser à quoi de ce qu'on discute là et mes questions et comment Jacques y répond Ben, ça me fait penser que malheureusement, nous, on n'a plus l'âge pour la lutte, mais que quand je vois les enfants diplômés, etc., j'ai peur pour eux, quoi. Parce que je me dis que comment ils vont grandir, comment ils vont évoluer. Ma fille a 28 ans, comment elle va évoluer? Elle ne se sent pas bien parce qu'elle ne sait pas évoluer. Elle ne trouve pas un travail alors qu'elle a deux diplômes. Un diplôme d'esthéticienne en bioesthétique et un diplôme de... je l'ai dit tout à l'heure, mais ça ne me revient plus. De technicienne de laboratoire en agroalimentaire. Ce sont des métiers à la mode. Ce sont des métiers qui, soi-disant, étaient en pénurie. C'est vrai ? Ben, apparemment, oui. L'agroalimentaire, c'est la mode. Le vegan, l'agroalimentaire, c'est vraiment des choses où on devrait trouver du travail. Et il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Donc, ou alors en sous-statut, en contrat journalier, intérimaire. Ou alors, il faut prendre son indépendance, il faut être indépendant. Mais essayez d'être indépendant maintenant. Ça fait un peu peur. Ah, ça fait peur, oui, parce qu'il faut gagner au moins 5000 euros par mois. Et quand on a déduit les charges, les charges sont énormes. Ouais, et puis il ne faut pas que le Covid retombe. Voilà. Hein. Ça fait très peur. Donc moi, c'est ce qui m'effraie. C'est, bah, nous, notre avenir, il est tracé. On est pensionnés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour nous? Pas grand-chose. Mais pourquoi vous dites que vous, votre avenir, il est tracé? Parce que moi, j'ai une petite idée aussi pour la tranche, votre tranche d'âge. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Mais je veux dire, vos enfants sont grands, vous n'avez plus grand-chose à perdre, vous allez vers la fin. Alors autant lutter à fond aux barricades, en première ligne. Hein. De toute façon, ils ne tapent pas sur les vieux tout de suite. C'est difficile de se rendre aux barricades quand vous ne la voyez pas. Mais, quand... j'ai la maladie de Parkinson, voilà. Donc c'est très difficile pour moi, les déplacements. Je me vois mal aller en piquet de grève. Oui, ben voilà, mais ça, je ne le savais pas. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Parce que sinon, on dit toujours... Ceux qui sont valides, c'est bien. Parce que les jeunes, ils sont... vous voyez, ils sont assis entre deux chaises, ils doivent... Mais je n'y ose plus maintenant, parce que quand ils tiennent un emploi, mais c'est miraculeux, ça relève du miracle. Donc, ils n'osent plus se plaindre. Du miracle, carrément. Si mon fils aîné a signé un CDI chez TNT, ben, ils sont très contents. Ma belle-fille a signé un CDI chez Lidl, mais ils sont très contents. Ils ne vont pas les rouspéter et risquer de perdre leur emploi. Hein. Donc, c'est aux vieux alors, à y aller, quoi. Ils n'ont plus rien à perdre. Oui, en quelque sorte. Pourrait être une bonne idée, non ? Moi, je me sens prêt au combat. Alors, je l'exprime de quelle manière ? Par l'écriture. Bon, c'est pas grand-chose, mais je suis un peu comme ma femme, parce que moi, je n'ai pas la maladie de Parkinson. Je crois que j'ai Alzheimer, ça, certainement, mais enfin, voilà. Et je marche avec une béquille, quoi. Hein. Bon, ici, je n'ai pas de béquille dans mon salon, mais c'est tout. Voilà, c'est ça, la vie. C'est ça, la vie. Pour les jeunes maintenant de lutter parce qu'ils sont, ils ont besoin d'un avenir et pour trouver cet avenir il leur faut du boulot et pour trouver du boulot c'est de plus en plus difficile et c'est de plus en plus mal payé et c'est de plus en plus des emplois précaires. Donc c'est vrai tout ce que vous dites, mais vous avez aussi déjà entendu que par exemple les cadres jeunes dynamiques là, ils quittent leur boulot parce qu'ils font un boulot qu'ils n'aiment pas. Ils trouvent que ça n'aide pas la planète, entre guillemets. Vous avez déjà entendu ça aussi d'une autre forme de jeunesse, quoi. Oui. Vous avez entendu ça? Oui, vous êtes au courant? Personnellement, non. J'ai 6 enfants, donc je parle des cas que je connais, quoi. Donc, vous lisez pas les journaux ou vous avez entendu parler de ça, toi, Jacques? De jeunes plutôt bien nés, on va dire, et qui, vous savez, ingénieur agronome, par exemple, on avait entendu l'année dernière plusieurs jeunes à la fin de leurs études qui disaient, nous, on ne va pas contribuer à ce système. Vous n'avez pas entendu ça, non? Non, toi non plus. Je n'ai pas entendu, mais bon, il y a effectivement des gens qui disent qu'ils ne sont pas assez payés pour ce qu'ils font et avec leurs qualifications. Ça, oui. Et je trouve. Non, c'est pas ça que je dis, hein. Non, qui veulent changer d'emploi. Non, qui veulent changer d'emploi parce qu'en fait, ils se rendent compte ingénieur, bah, c'est contribuer à ce système de merde. Et donc, ils vont carrément changer de vie parce qu'en fait, ils n'ont pas choisi les bonnes études. Mais c'est des jeunes cadres dynamiques de là que je vous parle, hein, vous voyez. C'est déjà peut-être pas le même statut social. Oui, mais c'est de ça que je veux dire, oui. Moi, ici, je parle d'ouvriers. De gens qui n'ont pas forcément des qualifications. Enfin, il y a des jeunes qui ont des qualifications, qui ont des diplômes, qui ont des CES, etc. Moi, je parle ici d'ouvriers pas forcément qualifiés. Et pour eux, trouver du travail, c'est la croix et la bannière. Alors, il y a les formations ceci, les formations cela, qui soi-disant débouchent sur un emploi, c'est pas toujours vrai non plus. Hein. En plus, c'est payant, parfois. Et souvent, les formations sont payantes. Moi, mon fils avait commencé une formation comme chariste. Et puis, il a trouvé un job chez TNT. Et il a voulu terminer sa formation de chariste. Et on lui a dit, écoutez, maintenant que vous travaillez, c'est 800 euros, quoi, la formation. Donc, il fallait payer. Ah ouais, de sa poche à lui ? De sa poche, bien sûr. Quand on est chômeur, le chômage intervient. Quand vous avez un emploi, même au début, c'était un emploi en intérim chez TNT. Maintenant, il a eu la chance de signer un CDI. Mais bon... Souvent, c'est l'employeur qui prend en charge la formation. Ah non, ici, ça doit être sa poche. Et finalement, TNT l'a formé comme chariste. Donc voilà, donc maintenant, voilà. Mais à la base, quand il a voulu avoir la formation, il a commencé la formation en étant demandeur d'emploi. C'était pris en charge par le chômage. Et puis quand il a trouvé du travail chez TNT, la formation lui a réclamé 800 euros. C'est dingue. Et quoi, vous avez combien d'enfants, vous ? 6. Waouh, vous n'avez pas perdu votre temps avec la même personne ? Non, 2 papas différents. Et quoi, il y a personne ? 1 union et 2 d'une deuxième union. Il n'y a personne, c'est pour rire que je dis ça. Il n'y a personne dans vos enfants qui a envie de faire une banque ? Il y a moyen, hein ? Ah ben oui, je ne sais pas, mais je sais que mon plus jeune fils me parle souvent de la crypto-monnaie. Je n'y comprends pas grand-chose, mais bon, voilà, il m'en parle souvent, qu'il y a moyen de se faire de l'argent avec ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne, donc voilà, je... Et moi, je ne sais pas non plus. Et je ne veux pas savoir. La crypto-monnaie ? Je ne veux rien savoir là-dessus. Non, c'est pour rigoler que je dis ça, dans le sens que, ben... Oui, c'est vrai que le système, là, si on va dedans, c'est pénible, on se fout de vous, c'est pas gay, mais il faut peut-être être créatif, quoi, vous voyez, faire une banque, mais bien fait, hein, vous voyez, un bon coup, quoi. Non ? Oui, sans doute, mais je vois pas l'intérêt. Supprimer les banques, oui. Oui, une banque d'État, je suis d'accord, mais supprimer toutes ces banques, ces multiplications de banques et d'organismes financiers et des prêteurs et des on prête ceci. C'est... Prêt maintenant. Ils sont obligés de passer par le prêt. Hein. Quel jeune maintenant a 20 000 euros de côté ? Un prêt pour quoi faire ? Ben, pour acheter, pour construire, pour envisager son avenir. Quand on vous dit tu es esthéticienne, tu es diplômée, ben oui, eh ben lance-toi. Ouvre ton affaire, quoi. Voilà, lance ton affaire, lance-toi. Avec quoi ? Il faut des fonds. Elle n'a pas de fonds, fatalement, puisqu'elle n'a pas de travail, elle ne trouve pas de travail. Donc il faut les emprunter, ces fonds-là. Ils sont obligés d'emprunter. Ouais, ou alors on n'est pas obligé d'être entreprenant là-dedans, quoi. Hein. Ah, est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'on va avoir un autre virus qui va débarquer et on va fermer tous les coiffeurs, tous les esthéticiens, tout va fermer. Et elle va faire quoi ? Elle va rembourser comment ? C'est toujours les mêmes questions. Donc, d'où moi mon inquiétude pour les jeunes, pour mes enfants, pour leur avenir, pour leur pension, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont avoir comme pension. Et pour mes petits-enfants, en plus encore, parce que ça sera pire. Ou ça va s'arranger, ou ça va être pire encore. Bah, du coup, il faut être créatif, il faut peut-être... peut-être inventer... Je dis ça comme ça. Il faut avoir les moyens. Oui, mais non, justement, c'est essayer d'imaginer. Vous avez déjà entendu construire une cabane en bois dans un chouette endroit, être plus autonome. Tiny house. Non, pas forcément. Non, ça, c'est vraiment le cliché. Je parle vraiment d'une petite cabane que vous construisez vous-même, de retrouver... Bon, alors... Vivre en autonomie. Vous dites ? Vivre en autonomie. Mais plus, quoi, être moins dépendant de la machine, puisque de toute façon, cette machine, elle part en cacahuète. Oui. Non, vous trouvez que c'est bobo ? Je ne sais pas. Vous ne réfléchissez pas. Non, mais vous ne réfléchissez pas dans ce sens-là, quoi. C'est une belle idée, mais ça ne tient pas compte. Ça ne tient pas compte de l'avenir. C'est-à-dire que vous allez vous construire. Justement. Vous allez vous construire votre petite cabane où vous serez bien content d'avoir votre petite cabane. Mais si un jour, pour une raison ou une autre, vous mourrez ou bien vous devez vendre cette mini cabane, ben comme elle ne sera pas aux normes, d'office elle ne sera pas aux normes, parce que les normes font que ceci, cela, ben voilà, votre cabane, vous pourrez la regarder, et puis c'est tout, quoi. Au revoir. Attendez, mais il y a des gens justement qui sont occupés à bouger ces normes, enfin soit. Moi, je voulais juste dire, parce que ça va se terminer, je voulais juste dire qu'entre notre confort qu'on nous a vendu depuis la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, où on a fait des profits de malade, hein, en montée, maintenant ça descend. Eh ben, il y a une alternative qui est que il y a des, enfin moi, c'est pas pour parler de moi, on s'en fout. D'ailleurs, j'ai pas envie de parler de moi, mais il y a des manières de vivre beaucoup plus simples, quoi. Voilà. Mais vous êtes pas du tout au courant de ça, ça vous intéresse pas. Et... C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je pense que pour obtenir le droit de construire une cabane quelque part, il faut des permis déjà. Il faut des permis pour tout maintenant. Donc je ne sais pas si c'est vraiment réalisable. Mais il faut sortir un petit peu des règles et des lois, parce que ces règles et ces lois, elles bougent aussi, quoi, vous voyez. Il ne faut pas faire tout bien comme ça. Enfin bon, soit. C'est la fin. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire sur toute cette discussion qui nous a amené dans... En gros, oui, c'est... Jacques, toi, tu es fâché sur ce système. Et toi, tu dis ? Fâché sur le système capitaliste, ça oui. C'est le capitalisme c'est du capitalisme que toute la merde vient. Voilà. Et on est là tous à l'accepter ou non d'une certaine manière. On est tous dans la machine, quoi. On est tous dans la machine. Et il y en a certains qui tirent les marrons du feu. Il y a des marrons qui sont meilleurs, il y a des marrons qui sont moins bons, il y a des marrons qui sont pourris. Et voilà. Et alors, je sais pas. Tant qu'on ne change pas ce système, mais là, vraiment, d'un coup, et pas simplement ta petite cabane, hein, quand on change vraiment, et qu'on... Je pense que... Les gens, c'est triste à dire, mais ils n'ont pas encore assez souffert. Hein, quand on disait avant... Ça dépend de qui tu parles. Hein. Les gens, la masse de gens, le peuple. Ouais, je crois que le peuple, il est quand même doué pour souffrir en silence. T'es. Oui, mais tant qu'il souffrira en silence, il souffrira en silence et tout le monde souffrira en silence. Voilà. Ce qu'il faudrait arriver, c'était à faire comprendre que les révolutions telles qu'elles se sont passées dans l'histoire, ce n'est pas toute la population qu'ils ont faite, c'est quelques personnes qui ont lancé des mouvements, qu'on voit à Cuba, qu'on voit la révolution russe et tout ça. Ça n'a pas été... Pas de règles, on ne sait pas demain. Un immense peuple. Quand on dit que... On parlait des réactions en Angleterre contre l'augmentation des prix pétroliers. Et qu'il y avait les Anglais, ils sont plus dynamiques que nous là-dessus pour la résistance. Ils ont fait un mouvement, il y a 190 000 personnes dedans, il y a combien d'habitants ? De quoi tu parles là ? C'est maintenant, en ce moment ? Oui, actuellement, oui, il faut lire la presse aussi, hein. Faut lire la presse. Il y a un mouvement en Angleterre qui a organisé des manifestations, on les a même vus à l'RTBF, vous regardez de temps en temps l'RTBF. Et on a vu des manifestations à Londres avec des gens qui étaient fâchés sur l'augmentation du prix de l'essence. Mais Londres, on dit, oui, mais c'est pas nous, c'est derrière le Brexit, c'est eux, c'est pas les mêmes. Ils sont aussi victimes du capitalisme que nous. Eh bien, ils ont créé un mouvement, oh, la force, hein, 190 000 membres. 190 000 membres, j'imagine. 199 000 membres. 190 000 membres. De quoi ? De leur groupe qui lutte contre l'augmentation des prix. C'est riquiqui par rapport à la population. Je ne sais pas combien ils sont. Ils sont combien les Anglais ? Énormément de leur colonie. C'est fou, quoi. On est obligé de couper. Un petit mot, vous, madame. Ben, je ne sais pas. J'espère un avenir plus rose pour nos enfants, pour nos petits-enfants, des possibilités d'emploi et de vie, tout simplement, avoir une vie meilleure. Mais je pense que c'est mal barré, quoi. Pour le moment, avec les augmentations qu'on vit, Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, je ne sais pas. Mmh. Franchement, c'est difficile d'envisager leur avenir, quoi. Mmh. Voilà. Bon, merci à vous deux, hein.